Densité de population aux Maldives, 956 habitants au kilomètre carré. Au Mali, 10. Les métissages avec le quotidien 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Mix. Le métissage mix comme tous les vendredis à minuit, eh ben c'est parti. Aujourd'hui comme invité on reçoit DJ Vitalik qui nous vient de Dijon en France. Ben oui, avec la bonne moutarde et tout, qui va venir nous étaler dans les oreilles. Bref, DJ Vitalik qui sort aussi un album, hein, si jamais, qui s'appelle Flash Mob. Et il fêtera d'ailleurs la sortie de cet album, ce sera à la fin du mois, le samedi 28 novembre. DJ Vitalik presents Flash Mob et ça se passera à Londres carrément. Donc il va falloir quand même prendre un petit billet pour aller le voir. Mais si jamais t'as pas d'argent, et ou alors que t'as des oursins dans les poches et que tu veux pas du tout dépenser un seul sou, bah écoute pendant une heure le mix de DJ Vitalik exclusive pour les métissages. C'est parti. Arrêtez de vous reproduire. We'll be right back.

Thank you. that's life. Come on. Thank you. C'était le métissage mix avec DJ Vitalik en invité. DJ Vitalik dont l'album, je le rappelle, s'appelle Flash Mob. On se retrouve tout bientôt avec les mêmes, hein, DJ Joe, moi-même et puis des DJ invités. Peace. Les métissages avec le quotidien 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. That maybe were better songwriters, I don't know, better lyricists, better vocals, I can't say that, but I do know this.